Je vais tout de suite laisser Hélène présenter très brièvement l'extrait. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'était ces manifestations qui avaient lieu à Aix-en-Provence devant le palais de justice en soutien au procès qui se passait à l'intérieur auquel nous n'avions pas le droit d'entrer. Et donc, ça a été filmé par une jeune lycéenne qui a fait carrière après, comme je vous le disais. Et d'après mon souvenir, on s'était partagé un peu le travail, on se passait un petit peu les engins techniques et aussi on repérait, on avait le souci de donner la parole un peu à l'ensemble des je ne sais pas ce que tu as... Très bien. Enfin, non, mais je veux dire, je ne sais pas quel extrait tu as monté, donc je ne sais pas si par exemple il y a la famille de l'inculpé. On voit un court extrait, c'est une image que tu avais, c'est un extrait du montage que tu avais. D'accord. Toi-même. Bah, allons-y, pour parce que c'est pas utile d'en dire beaucoup plus. C'est bien celui-là, hein. Oui, absolument, c'est le court. Le collectif Hélène Vidéo, issu de la mouvance féministe, s'est constitué en 1978 pour inciter les femmes à apprendre les techniques audiovisuelles, s'emparer des moyens de production et d'expression, faire des films, les diffuser et en débattre. Voici des archives de 1978 tournées lors du procès contre le viol plaidé par Gisèle Halimi. Jusqu'au bout. sur le viol en général a avancé avec cette personne. Au niveau du cercle de toutes les femmes qui sont dans avec elles, et puis toutes les autres femmes qui après notre procès, après la correctionnelle, ont porté plainte, pour nous, c'est notre première grande victoire. Alors, je tiens à m'excuser tout de suite auprès d'Hélène. Évidemment, comme il s'agit d'une numérisation à partir d'une VHS ancienne et pas d'un des nouveaux transferts de la BNF, la qualité est bien médiocre, enfin, est bien plus médiocre qu'elle ne le sera évidemment à l'issue des numérisations. Donc, toutes nos excuses pour cela. Et merci pour cette bande qui reste terriblement d'actualité aussi, comme on tend à s'en apercevoir à chaque extrait que l'on voit depuis le début du séminaire.